Bonjour ou bonsoir, chers auditrices et auditeurs de la radio-télévision Isanganiro, vous qui suivez l'émission Mosaïque. En 2024, de janvier à fin novembre, le Burundi a vendu à la RDC 121 milliards de francs burundais, soit un tiers de toutes les exportations burundaises dans le monde au cours de cette période. Ce qui fait du Congo le partenaire essentiel de l'économie du petit pays de presque 28 000 km². En retour, la RDC a vendu au Burundi près de 34 milliards au cours de la période de janvier à novembre 2024. Mais depuis que la guerre s'est invitée au Sud Kivu, les effets semblent très lourds sur l'économie burundaise, déjà très fragilisée par les pénuries de carburant et de devises étrangères. Les marchés de Bujumbura, la capitale économique, comme le marché Bujumbura City Market, dit chez Sion, n'observaient pas une grande affluence des commerçants congolais qui s'y approvisionnaient en vivres et en matériaux de construction, d'où les commerçants burundais travaillent à perte. Dans ce numéro de Mosaïque d'aujourd'hui, nous allumons notre projecteur sur la situation actuelle de ce commerce. Nous essayons de comprendre les enjeux pour le Burundi et pour l'Est de la RDC. Nous suivrons un peu le mouvement de Congolais de leur pays vers le Burundi, ainsi que son impact sur le commerce transfrontalier. Nous verrons qui sont les leviers dont disposent les deux pays pour renormaliser une situation affecte si fortement leurs économies, les entreprises burundaises tournées vers l'exportation et la vie des citoyens, commerçants et consommateurs. Voilà les principales questions qui vont nous guider dans ce débat. Et pour échanger à ce sujet, nous avons autour de ce plateau Onésime Nikouri, porte-parole du ministère du Commerce. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je salue également ceux qui nous suivent, mais aussi des collègues ici sur le plateau que nous allons échanger cette émission. Diomède Ntereté, expert en économie, bonjour et bienvenue vous aussi dans Mosaïque. Bonjour monsieur Evariste et merci aussi pour l'invitation. Je salue effectivement nos collègues ici et ceux qui nous écoutent. Nous sommes également avec le politologue Pascal Nyonidiguié, professeur de l'université du Burundi en relations internationales. Bonjour à vous aussi et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour Evariste et merci beaucoup pour l'invitation. À la cabine technique, François Akimana et Jérôme Ndaïchimié, Médard Nyonguru est à la réalisation, à l'animation. Vous êtes avec Evariste Nzikobanyanga. Rebonjour et bienvenue. Mosaïque. La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia. Mosaïque. Plantons le décor de ce débat avec la première question que je dirige premièrement à Onésime Nikouri. Vous êtes porte-parole du ministère du Commerce au Burundi. La RDC est un partenaire important pour le Burundi. Pourquoi ? Merci beaucoup pour la question. La RDC, c'est un voisin, c'est un pays limitrophe du Burundi. Mais nous sommes également dans différentes communautés avec la RDC. Et si je parle du COMESA, la CPGR, la CIAC, et récemment, la RDC a accédé à la communauté est-africaine. Nous sommes même membre de l'Union africaine, mais aussi nous faisons également partie de l'accord continental, de la zone de libre-échange continentale africaine. Alors, vous voyez pourquoi la RDC, justement, pour le moment, c'est un partenaire, je dirais, du Burundi, en termes des échanges commerciaux. Il y a aussi le recours qui a été signé entre ces deux pays. Oui, justement, en 2022, l'accord commercial entre le Burundi et la RDC a été signé. Et en octobre 2024, nous avons lancé le régime commercial simplifié pour faciliter le commerce transfrontalier, mais aussi les petits commerçants regroupés dans les associations de commerçants transfrontaliers pour pouvoir échanger les produits, mais aussi faciliter les mouvements à travers les frontières. Et des accords commerciaux et économiques. En quoi la RDC a-t-elle besoin du Burundi au niveau commercial et économique? Monsieur l'expert en économie, Diomède Ntereté, en quoi la RDC a besoin du Burundi? Je crois que Onésime a déjà répondu une partie de réponse. La RDC, effectivement, d'abord, c'est un grand marché. C'est un grand marché pour le Burundi. Si on analyse la population, elle est aussi autour de 80 millions, plus de 80 millions de population. Déjà, quand on parle de l'économie, ce qui est important, la première analyse qu'il faut faire, c'est le marché. Autrement dit, effectivement, vous venez dans l'introduction de dire que pendant l'année 2024, que le Burundi a eu une recette de plus de 120 milliards. Sans toutefois être trop analyste, on comprend bien que 120 milliards, c'est un montant important. Et alors, le Burundi, vous dites que aussi le Congo a réussi un montant de plus de 34 milliards. Là, on voit qu'il y a le déséquilibre, que le Burundi a beaucoup plus besoin du Congo. Certes, aussi, le Congo a besoin du Burundi. Donc, le marché, déjà, le commerce, ce n'est plus des projections comme ce qu'on dit de la CAC, des mesures de l'Union africaine, c'est une réalité. Le Congo, c'est un pays voisin, c'est à quelques kilomètres. C'est-à-dire, il suffit dans 30 minutes, tu es au Congo, tu es ici à côté. Donc, de par l'histoire que peut-être Pascal pourra développer, de la coopération entre le Burundi et le Congo, on voit qu'un Burundais qui se retrouve au Congo, il est bien à l'aise. Nous partageons même la langue Kiswahili, c'est une langue très utilisée ici à côté, il suffit d'aller à Buyenzi, à Buiza. Donc, on est très proche. Donc, le Burundi, s'il doit se développer, il a besoin du Congo. Et puis, le Congo, c'est un pays riche en ressources minières. Peut-être que ça, c'est pas l'objet de ce débat. Donc, si on doit se positionner dans l'avenir, un Burundi qui veut se développer doit se positionner effectivement par rapport au Congo. Nous sommes très liés et nous avons des relations fructueuses depuis des années et nous devons absolument les consolider pour aller de l'avant. Merci beaucoup. La RDC est très liée au Burundi. Pascal Lionis Guillet est expert en relations internationales. Comment expliquez-vous cette relation très liée entre le Burundi et la RDC? Les relations entre le Burundi et la RDC sont des relations qui sont très très importantes parce que ce sont des relations qui trouvent leur genèse dans l'histoire de ces deux pays. Tout d'abord, le Burundi et le Congo ont été colonisés par une même puissance, la Belgique. Et depuis pratiquement les indépendances, les relations entre les deux pays étaient vraiment serrées. D'où, par exemple, avec la tripartite, la fin des années 70, on a songé à créer la CPGL, parce qu'à l'époque, il se posait justement un problème lié à la sécurité. On a compris qu'à côté d'autres relations qui existaient, il y a l'impératif sécuritaire qui devait être favorisé. C'était presque la même situation qu'actuellement, même si actuellement c'est beaucoup plus grave. De toute façon, les deux pays ont toujours été liés, que ce soit à l'époque du Congo belge et le Burundi traditionnel, ou bien le Zaïre et le Burundi d'après les indépendances. Donc, ce sont des pays qui sont historiquement liés, même si le plan culturel, comme l'a souligné Diomède, franchement, de par l'histoire, même si vous entrez dans l'histoire politique de nos pays, vous allez trouver qu'on avait les noms des rois qui étaient semblables, des rites traditionnels comme le Muganuro qu'on retrouve à l'est du Congo, dans, disons, le Sud Kivu, par exemple, au niveau de Bukavu, et ainsi de suite, où il y avait des rites qui ressemblaient étrangement aux rites traditionnels du Burundi, comme par exemple le Muganuro. Parmi les secteurs qui nous lient à la RDC, il y a le commerce transfrontalier, aujourd'hui qui fait face à la guerre à l'est de la RDC. Monsieur porte-parole du ministère du Commerce, quel est l'état actuel de ce commerce maintenant et comment ça affecte les deux pays? Justement, ces derniers jours, le commerce transfrontalier entre nos pays a été perturbé. Mais d'abord, ce que je voudrais signaler ici, c'est qu'il n'y a pas de problème entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Que ce soit au niveau sécuritaire, que ce soit au niveau commercial, il n'y a pas de mauvaises relations avec la République démocratique du Congo. Ce qui a perturbé le commerce, c'est sur les conflits qui se trouvent à l'est du Congo. Et comme le Burundi est pays transfrontalier de cette partie, justement, un gouvernement responsable, il doit protéger la population. Alors le Burundi, c'est dans ce cadre qu'il est impliqué au niveau de la protection de la population, mais aussi pour sécuriser la région. Ce commerce transfrontalier, c'est vrai que maintenant, on doit pouvoir attaquer les institutions chargées de contrôler la frontière, justement d'être vigilant pour savoir qui entre, qui sort. C'est dans ce cadre peut-être que pour le moment, certains commerçants transfrontaliers trouvent justement des contrôles vigilants sur les frontières. Mais en termes aussi des échanges, il y a quand même des perturbations parce que pour échanger ou bien pour envoyer un courrier ou un produit, il faut savoir qui va le recevoir. Si les commerçants dans la partie qui est affectée par les conflits n'est pas en paix, il sera difficile justement pour commander ou bien pour demander qu'on peut envoyer un produit. Et c'est dans ce cadre que peut-être les chiffres vont diminuer par rapport aux échanges que nous effectuons avant. Mais ici, nous voulons rassurer la population et les commerçants en général que justement, en ce qui concerne la sécurisation de ces endroits, vous avez vu que maintenant, le mouvement transfrontalier à continuer surtout sur Gatumba, mais aussi dans d'autres endroits où le Burundi partage avec la République démocratique du Congo. Observez de près les produits vendus en RDC sur les 121 milliards de ventes en 2024. En seulement 11 mois, 94 milliards, soit 80%, viennent de produits manufacturés. Il s'agit de la farine de blé, la bière industrielle, la cigarette, surtout et enfin le savon. Le fragile secteur industriel du Burundi ne risque-t-il de s'effondrer faute de clients et de devises étrangères issues de ce commerce transfrontalier? Ça va de soi. Effectivement, si pendant 2024, on a eu plus de 80% des revenus, autrement dit, plus de 80 milliards, c'est énorme. Maintenant que les frontières sont presque fermées, la situation devient plus préoccupante. Il va s'en aller d'autre que et si on devrait évaluer d'ici 6 mois, je crois au mois de novembre, effectivement, on pourra voir que les revenus ont baissé au moins de 40% au moins. J'estime, j'anticipe, je ne suis pas sûr. Mais je me dis, avoir effectivement l'activité commerciale qui est exercée au niveau des frontières, j'estime bien que le Burundi va perdre. Et effectivement, aujourd'hui, il y a plusieurs conséquences parce que les commerçants ne sont pas là pour exercer l'activité suite à l'insécurité qui est observée depuis un bon moment. Donc, je me dis que les conséquences sont énormes. Il suffit de regarder effectivement ces produits dont vous venez de citer, les bières, les cigarettes et les produits manufacturés pour vous, qui amenaient des devises. Le Burundi, qui déjà souffrait déjà de l'absence des devises, va se retrouver effectivement avec ce problème qui est accru. Surtout qu'effectivement, même la production a baissé depuis un bon moment et que effectivement l'appui budgétaire de la communauté internationale qui était là a été suspendu d'une manière souvent unilatérale. Aujourd'hui, nous commençons déjà à subir. Et nous avons subi effectivement, il suffit de regarder, la pénurie du carburant que le Burundi n'est pas capable d'importer jusqu'à présent et satisfaire la demande. Donc, maintenant que s'ajoute la problématique de sécurité au niveau de la RDC, qui était un grand marché, comme je le disais, le Burundi va droit au mur si les mesures ne sont pas prises dans les meilleurs délais. L'expert en relations internationales, le fragile secteur industriel du Burundi ne risque-t-il de s'effondrer faute de clients, de devises étrangères suite à cette guerre qui perdure à l'est de la RDC? Comme vient de le souligner l'expert en économie, Diomède, c'est vrai que les effets, l'impact négatif de la guerre sur le secteur industriel au Burundi est vraiment évident. Et la situation va s'aggraver. Même le porte-parole du ministère du Commerce, en fait, l'a souligné d'une certaine manière. Même si, comme il le dit bien, il ne faut pas se décourager, il faut toujours croire qu'il y a moyen de redresser la situation. Mais sinon, dans un proche avenir, si on ne trouve pas de solution à cette guerre qui est entrée d'ensanglanter l'est du Congo, eh bien, les conséquences seront calamiteuses pour cette industrie burundaise qui est tout à fait, disons, encore fragile. Justement, pour comprendre ce qui se passe dans le commerce transfrontalier, nous avons essayé de recueillir quelques données, des reportages, des vox pop Et là, je dis que notre confrère Jérémy Kouhima est parti faire le constat de la manière dont cette guerre affecte l'économie et le commerce à Uvira. En face de Gatumba, suivant son reportage. Selon les femmes faisant les petits commerces transfrontaliers, il y a peur de se rendre à Uvira à cause de la présence massive des militaires et des groupes armés alliés aux forces loyalistes et surtout à cause des troubles qui avaient été causés par certains militaires le jour passé. Il y a des occasions où des véhicules de militaires viennent nombreux, ça nous fait peur. On abandonne les marchandises et on prend la fuite. La situation n'est pas vraiment facile ici et au poste frontalier. Nos clients ne savent plus où est-ce qu'ils sont partis. Ils ne viennent plus nombreux comme ce fut dans le temps. On fait le mieux qu'on trouve pour nourrir les enfants. Non, on sait que les temps ne sont pas bons ici, en RDC. Traverser, ça devient très difficile à cause des rumeurs. Arriver à Uvira, c'est devenu souvent aussi difficile à cause de la situation et surtout des rumeurs. Il y a eu crépitement de balles les temps passés. Les militaires congolais se sont soulevés, ils ont tiré. Les gens ont fui et puis les marchandises ont été perdues comme ça. Et puis la crainte est de la résurgence du M23. Ces femmes commerçantes transfrontalières regrettent également que les gens de Bukavu et d'autres provinces qui passaient la frontière pour acheter leurs marchandises ne viennent plus après la prise de la ville de Bukavu et environ. Les handicapés qui interviennent dans le déplacement des bagages d'une frontière à une autre se disent également victimes de cette situation. Ils trouvent peu de clients et on leur oblige désormais de faire viser leur laissez-passer. C'est devenu vraiment une occasion de surprise. Les clients ne sont plus nombreux. Ceux qui nous amenaient les marchandises auparavant, ils ne sont plus trop visibles. Et alors, pour nous, personnes vivant avec handicap, on nous demande également à chacun de tenir son laissez-passer CPGL et surtout l'obligation même de les faire viser à chaque traversée. Et pourtant, nous faisons même 4, 5, voire 6 tours par jour. Est-ce que c'est vraiment commode que nous puissions faire viser à 6 fois toute la journée? Pourtant, nous sommes bien connus, bien identifiés ici. Monsieur le journaliste, la situation n'est pas facile. Pour nous, handicapés avec un très faible revenu, auparavant, on ne nous demandait rien comme document, mais aujourd'hui, c'est une obligation que nous devons faire viser les laisser passer ces pêcheurs. Un calme relatif est cependant constaté à Uvira et une partie de la plaine de la Ruzizi où les forces armées de la République avec leurs alliés continuent toujours à assurer la sécurité. Uvira, Jérémy Kouhima pour Radio Télévision Isanganiro. Côté burundais, les conséquences sont aussi lourdes comme on peut le constater à Chibitoke. Dans le vox pop de commerçants qui font le commerce transfrontalier. L'on essayait de contracter des crédits pour trouver des marchandises à exporter en RDC. Mais pendant ce temps de guerre, on a tout perdu comme marchandises. Il y a d'autres qu'on a manqué ou vendre, qui ont pourri. Pour le moment, nous n'attendons qu'à être arrêtés et emprisonnés et la saisie de tout ce dont on a hypothéqué à ceux qui nous ont accordé des crédits. Moi, je suis parmi les femmes qui font le commerce transfrontalier et j'avais contracté un crédit à la banque pour faire le commerce. J'avais vendu à crédit en RDC et voilà que la guerre a éclaté sans toutefois recouvrer mon argent. Le recouvrement est impossible en ce moment de guerre, car nos clients sont en débandade. C'est pourquoi nous demandons aux belligérants de voir comment arrêter cette guerre pour que l'on puisse continuer à vaquer aux activités génératrices de revenus. Le marché de Chessillon est l'épicentre du commerce transfrontalier avec la RDC, un marché qui fonctionne au ralenti actuellement, suivant ce reportage de Jean-Marie Vianengendakoumane. Ces conducteurs qui exercent leur métier de transport en commun vers la RDC indiquent qu'ils travaillent à perte suite à la sécurité qui s'observe à l'est de la RDC. D'après le conducteur David Majaliwa, avant cette crise, ils pouvaient faire 3 tours, mais pour le moment, il souligne que les passagers viennent à compte-gouttes. Notre métier vraiment n'est pas comme tel que ça devrait être. Depuis que ces événements de guerre survenus en République démocratique du Congo, rien ne marche. Nous pouvons dire quoi ? Notre marché est constitué de la province du Nord Kivu, Sud Kivu, Katanga. Et c'est là où il y a des problèmes qui font que le marché, tout ce qui est comme transport, comme marchandises, ne marche pas. Nous n'avons pas de clients. Nous pouvons avoir un peu de marchandises pour les faire traverser la frontière. Il y a encore des difficultés. Nous parcourons des difficultés. Par exemple, parmi les marchandises que nous transportons là-bas, le haricot, la farine et d'autres accessoires, ils ne sont pas encore acceptés de traverser là-bas. Nous avons un problème du carburant. Le carburant qui est donné ici au Burundi, il y a ceux qui n'en bénéficient pas. C'est seulement les Burundais qui sont connectés au Congo. Nous achetons le carburant à un prix qui est très élevé. Si nous tenons compte maintenant de l'argent de transport que nous demandons, nous rencontrons que nous n'avons rien. On ne gagne absolument rien. Il ajoute qu'il ne parvient pas à subvenir convenablement aux besoins familiaux suite à cette situation. Le manque à gagner, et quand nous on travaille pas convenablement, c'est la fin. Nous allons mourir de faim, nos familles en souffrent. Quand l'enfant va tomber malade et que je ne fais pas le boulot, ça c'est la mort. Nous achetons des documents mensuellement, nous achetons des documents trimestriellement. Ces documents parviennent à se terminer comme ça, et nous entrons même dans ce qu'on appelle dans les rouges. Demain, vous tombez dans des amendes et vous êtes censé les payer, alors qu'ils comprennent la situation sur laquelle nous sommes en train de traverser. Celui-ci demande aux autorités hiérarchiques de résoudre ce problème pour qu'ils exercent leur métier de transport dans les bonnes conditions. Nous demanderons aux autorités de haute hiérarchie de vouloir voir comment est-ce que peut dialoguer pour qu'il y ait la paix en Afrique et assez, qu'ils soient ensemble, qu'ils nous trouvent la paix pour que nous ayons encore une facilitation de ces 3 pays de l'EAC. Vraiment, nous en souffrons. Quant aux commerçants qui œuvrent dans son marché Bujumbura City Market, ils déplorent qu'ils ne reçoivent pas beaucoup de clients comme auparavant suite à cette insécurité qui règne à l'est de la RDC. Alors, quelles conséquences sur l'économie burundaise et sur les citoyens des 2 pays à entendre les 3 éléments du journal? Je place la question premièrement au porte-parole du ministère du Commerce. Oui, c'est vrai qu'à entendre la voix de ces citoyens, les commerçants, les transporteurs, que ce soit à Uvira, que ce soit chez Sion ou bien à Chibitoke, c'est vrai justement que la population a des inquiétudes par rapport à la sécurité, mais aussi à les activités quotidiennes. Mais ce que nous voulons dire ici, c'est que tout n'est pas aux arrêts. Il faut savoir que toujours, il faut des alternatives. Si vous vous souvenez, lors de la pandémie de COVID-19, personne n'avait pas l'issue. Mais vous avez vu que même pendant la pandémie, après le COVID-19, la vie a continué. Et même pour le cas de cette partie de la RDC, la vie continue. Il faut que les commerçants, les transporteurs, mais aussi la population en général, il faut toujours des alternatives. Et justement, ce n'est pas toute la République démocratique du Congo qui est affectée par ce conflit, mais il y a d'autres endroits que le commerce continue, que les échanges également continuent, mais aussi le Burundi fait partie d'autres communautés économiques régionales. Ici, je vous parle de la communauté est-africaine, les échanges continuent au niveau des échanges bilatéraux ou même en dehors du continent, les échanges continuent. Il faut alors que les commerçants, les transporteurs et la population justement emprunte ces voies où la sécurité est garantie. Mais ici même pour Gatumba, je pense que la population a déjà constaté que la vie continue et que le mouvement transfrontalier a repris. C'était juste dans le cadre de la sécurisation, mais aussi de pouvoir savoir qui entre, qui sort, pour justement qui a causé ces petites, je dirais, perturbations. Mais aujourd'hui, la population ainsi que ceux qui fait le commerce puissent comprendre qu'il faut des alternatives, il faut emprunter ces voies où la vie continue et les échanges aussi continuent. Mais aussi, il y a d'autres commerçants qui doivent prendre le relais. Et ceux qui exportent à l'extérieur du pays, plus loin, qui utilisent la voie aérienne, et puissent aussi prendre ces produits qui se trouvent à Cibitoke, qui se trouvent ailleurs, pour justement permettre à la population qui a investi pour produire, pour justement continuer à écouler sa production. Mais aussi ici au niveau local, et aussi le commerce et les échanges, mais aussi l'achat des produits, on continue à acheter pour aussi se nourrir. Vous tranquillisez la population, vous encouragez, mais on entend que même chez le marché Bujumbura City Market, les commerçants congolais, ils viennent à compte-gouttes. C'est pas une perte? Oui, bon, justement, quand même, vous savez, la vie vaut mille fois que l'argent. Même si ils étaient impliqués dans le commerce, s'ils ne savent pas que à traverser la frontière, peut rentrer le soir, ça aussi, ce sont des effets justement de la guerre. Quand normalement tout le monde devrait savoir que normalement on devrait renforcer la paix et la sécurité pour permettre la vie de chacun de continuer. Ce n'est pas seulement les commerçants, mais il y avait d'autres individus ou d'autres métiers qui étaient effectués, justement, mais quand la sécurité n'est pas suffisante, dans tous les cas, la population est affectée, les commerçants sont affectés, la population en général. Alors, si les Congolais ne viennent pas comme avant, c'est qu'il y a cette perturbation. Mais c'est quand même important que le Burundi continue à garantir la sécurité, que ce soit sur les frontières, mais aussi au-delà des frontières, que les Congolais qui entrent au Burundi puissent rentrer chez eux en paix et en sécurité. Les commerçants qui font le commerce transfrontalier, originaires de Cibitoke, ils ont évoqué dans le Vox qu'ils vendaient les marchandises à crédit de l'autre côté de la Russie, mais qu'avec la guerre, ils ont tout perdu là-bas. Et ils disent également qu'ils ont contracté des dettes à la banque dans des microfinances. Et ils disent ne pas voir où ils vont tirer cet argent qu'ils ont contracté à la banque. Et là, qu'est-ce que vous en dites? Et qu'est-ce que le gouvernement compte pour appuyer ces commerçants qui aujourd'hui travaillent à perte? Vous savez qu'on doit investir justement pour la production, mais aussi même pour le commerce. Et quelquefois, on doit contracter des crédits pour faire son métier. Même les banques aussi comprennent que quand il y a la guerre, il y a des conséquences. Et ces conséquences également s'effectuent sur ces crédits qui auraient été contractés chez les banques. Mais toujours, vous savez qu'il y a des garanties. Et chaque fois que le commerçant rencontre des difficultés, il doit toujours notifier ces difficultés qu'il a rencontrées. Mais aussi, il y a d'autres mécanismes pour continuer à accompagner la population. Mais aussi, au niveau des banques, ils peuvent aussi étendre, je dirais, peut-être les délais pour le remboursement, pour que aussi, après la guerre, la vie peut continuer, mais aussi ceux qui ont contracté des dettes peuvent aussi rembourser en reprenant les activités. Mais ce qui est important ici, c'est que la sécurité est garantie du côté burundais, mais aussi que ces commerçants ne croisent pas les blancs. Il faut savoir que peut-être si on ne peut pas traverser de l'autre côté, mais il y a d'autres endroits qu'on peut utiliser pour acheminer les productions ou les produits qu'ils veulent échanger avec la RDC, pour justement ne pas perdre tout. Peut-être on peut avoir ces effets. Des effets, justement, des difficultés peuvent exister, mais toujours, il faut essayer de trouver des alternatives. Et le ministère aussi est là pour, justement, accompagner ces commerçants, mais aussi les appuyer si peut-être nous recevons les doléances, mais aussi à leur montrer quelles sont les voies de solution quels sont les accords qui sont signés par le Burundi dans lesquels vous pouvez écouler vos produits. Même au niveau continental, vous savez que le Burundi a déjà ratifié l'accord pour la création de la zone de libre-échange continentale. C'est un marché de 1,3 milliard de population. Vous voyez qu'au moins, si les Burundais peuvent nourrir 600 millions des Africains, c'est ce que nous voulons. Alors, ils peuvent aussi emprunter ces voies où des accords préférentiels ont été signés par le Burundi. Nous comprenons que la RDC, justement, c'était à quelques kilomètres, c'était aussi voisin, où vous avez déjà des relations commerciales importantes, mais justement, quand il y a des incertitudes, on doit toujours chercher des solutions. Oui, et Diomède Ntérésé, vous êtes économiste. Vous venez d'entendre les doléances de ces commerçants, de ces conducteurs de véhicules qui disent qu'aujourd'hui, rien ne va dans le commerce transfrontalier. Quel est votre commentaire? Le constat est que la population est dans le désarroi. C'est une population désespérée qui dit que cette population ne sait pas comment va, elle va rembourser le crédit. C'est une population qui dit que il y a le chômage. C'est une population qui exprime un sentiment de perte du pouvoir d'achat. C'est une situation préoccupante où l'autorité politique et administrative doit prendre absolument des mesures pour soulager la douleur que nous avons sentie à travers ce reportage, voilà ce que je dois dire par rapport à ça. Donc l'État, et surtout, t'as aussi, même si on n'a pas entendu, regretter le porte-parole, c'est l'État aussi, dans un long terme, va perdre plus de 120 milliards qu'il avait déjà encaissé l'année passée. Donc je crois, au même moment où la population désespère pour avoir perdu autant de produits et services qu'ils avaient, le même désespoir plane aussi du côté de l'État qui percevait un montant énorme. Et je suis très content que le porte-parole dit qu'effectivement il y a d'autres solutions intermédiaires. Il faut que cette population soit informée, soit conscientisée et qu'effectivement cette voie-là soit empruntée. Je comprends qu'il y ait beaucoup d'accords, que la population pourra bénéficier dans l'avenir, mais c'est vraiment à long terme. Ce n'est pas demain. Maintenant, il y a un problème réel du chômage. Il y a un problème réel de manque de devises. Il y a un problème de perte de revenus pour l'État. Donc, il est grand temps qu'effectivement, les mêmes lamentations qu'on puisse les entendre du côté de l'autorité politique. Mais pas les lamentations, mais plutôt du côté de l'autorité politique, des mesures concrètes pour faire face à cette situation qui est catastrophique. Voilà, je crois effectivement, nous voyons déjà qu'il y a des conséquences économiques directes, et des conséquences commerciales directes et des conséquences humanitaires. Parce que maintenant, un Congolais qui venait acheter et qui donnait impôts et taxes, il est assisté dans un cas de Chibitoke ou dans un autre. La perte de pouvoir est là. Un Congolais qui a mené de devises, aujourd'hui, il est nourri, il est assisté, il est devenu vulnérable. Un producteur burundais qui, effectivement, faisait le commerce de farine, d'arachide, de cigarettes, de bière, de savon, effectivement, ne va plus produire parce qu'il n'y a pas le marché. Et surtout le marché qui était historiquement connu au Congo. Aujourd'hui, effectivement, on va explorer d'autres voies, notamment d'autres voies que le porte-parole disait, mais ce n'est pas pratique pour le moment. Et la population a besoin probablement d'une solution immédiate, effectivement, pour aller dans le commerce habituel. Et là, quand on parle de 120 milliards, ce que les gens ne veulent pas comprendre, c'est 120 milliards, c'est ce que la population donnait. Imaginez-vous, à la population, le montant qu'ils avaient, c'est plus de 1000 milliards. Parce qu'il y a le capital, il y a les intérêts. Ça, c'est impôts et taxes. Imaginez-vous à le capital que la population, la masse monétaire qui circulait dans la région. Si on prend que l'État peut percevoir 120 milliards, vous ne pouvez pas imaginer la masse monétaire qui circulait sur la frontière. Ça, c'est du côté économique. Du côté social, un Congolais qui venait régulièrement ici, il y avait des mariages, il y avait tout ça. Le bien-être de la population, c'est plus grave. Et on est dans une situation humanitaire. Voilà, voilà, je crois que les autres pourront davantage enrichir, mais déjà les conséquences sont énormes et sont lourdes. Voilà. Oui, professeur en relations internationales, Pascal Nunizigué, après avoir entendu ces reportages, ces éléments qu'on a recueillis d'ici là, au Vira, chez Bujumbura City Market et à Chibitoke. Moi, je vais juste insister sur ce qui a été dit par l'expert en économie, c'est-à-dire que les mauvaises conséquences de cette guerre à l'est du Congo doivent normalement pousser les dirigeants de la sous-région à cultiver le réflexe de la pacification. C'est-à-dire, il faut, dans l'urgence, chercher à rétablir la paix ici à l'est du Congo. Le Burundi est engagé, nous le savons très bien. Les Congolais, ils ont à gérer un problème qui est sur leur territoire national. Le Rwanda est concerné. Même si, disons, les accusations contre le Rwanda ne sont pas nécessairement acceptées par ce dernier, mais de toute façon, le Rwanda est concerné. Donc, je crois que dans l'urgence, il faudrait qu'on mette fin à cette guerre. Parce que si elle continue, les conséquences seront très difficiles, à prédire. Vous voyez, un peu partout dans le reste du monde, je veux dire, là où il y a des guerres d'actualité, comme la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la guerre dans la bande de Gaza, eh bien, l'urgence se trouve dans le retour de la paix. Tout le monde est en train de se presser pour voir comment arrêter l'hémorragie de ces peuples. Je crois que ça devrait être le même réflexe à l'est du Congo. Parce que sinon, nous sommes vraiment au bord du gouffre. Tout à l'heure, l'économiste évoquait que ça va peser sur l'économie burundaise, notamment sur les taxes de l'État. Oui, bien sûr. Parce que, vous savez, ce qu'on a appelé le doux commerce depuis le XVIIIe siècle, ici, on se réfère à l'histoire de l'Occident, surtout chez Montesquieu qui aimait en parler, le libéralisme en économie, eh bien, se nourrit essentiellement de la paix. Parce que quand il n'y a pas de paix, il est très difficile de commercer. Je veux dire, sur le plan légal, parce que Diomède l'a souligné, quand il y a la guerre, ça veut dire que tout devient possible, tout dérape. Le narco-business, les trafics illégaux, ainsi de suite. Mais tout ça, ça ne donne pas de taxes, ça ne donne pas d'impôts à l'État. Ça crée plutôt, le dérèglement de l'économie. Et c'est ça qu'il faut éviter. Et ici, il faut toujours avoir en tête que l'économie et la politique sont intimement liées. Il fut un temps, avant les années 70, il y a des internationalistes qui croyaient que la politique n'avait rien à voir avec l'économie. Mais maintenant, on a compris que l'économie et la politique sont intimement liées. S'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de cohésion sociale, il n'y aura pas d'économie prospère, il n'y aura pas de doux commerce et les sociétés se dérèglent. Les sociétés se dérèglent. Mosaïque. La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia. Mosaïque. Je rappelle à ceux qui viennent de nous capter en cours de route qu'ils tombent sur l'émission Mosaïque qui s'articule aujourd'hui sur la paralysie du commerce transfrontalier suite à l'insécurité qui règne au nord et sud Kivu en RDC. Les banques congolaises sont fermées à Goma comme à Bukavu, un autre facteur de déstabilisation économique, n'est-ce pas, monsieur le porte-parole du ministère du Commerce? Oui, justement, mais vous permettez vraiment, avant d'aborder ce sujet, que je puisse clarifier quelque chose. Le Burundi n'est pas en guerre commerciale avec la RDC, non plus politique, parce que la RDC et le Burundi, ils entretiennent des relations, que ce soit politiques, économiques, même sociales. Et militaires aussi, aujourd'hui, on l'a constaté. Ça, ce que je voudrais dire là, c'est pour tranquilliser justement la population, mais aussi surtout les commerçants. On aurait des problèmes s'il y avait des problèmes justement commerciaux entre le Burundi et la RDC. Mais dans le reportage, les mamans commerçantes qui se sont exprimées, elles ont dit qu'il y a les brebis égarées, les militaires qui prennent de force leurs marchandises. Bon, ça, on ne peut pas confirmer justement ce qu'ils ont dit, mais je pense que ce qu'il faut savoir, justement, quand il y a la guerre, des effets se manifestent. Et surtout, ce que nous parlons ici, c'est des contrôles rigoureux. Parce qu'il faut savoir qui entre maintenant pour ne pas perturber la paix de la population du côté Burundi. Il faut également savoir qui sort. Pour que si vous sortez le pays, c'est que vous êtes le commerçant. Ce mécanisme, justement, devrait être renforcé. Et dans ce cas, peut-être le commerçant qui pouvait faire 2 ou 4 mouvements frontaliers, il peut justement ne pas le faire parce qu'il y a des contrôles. Et surtout quand vous savez que de l'autre côté, vous ne savez pas comment la sécurité se trouve, vous pouvez dire que, bon, justement, si je fais un mouvement, il faut que si je retourne sain, il faut alors que je puisse maintenant se préparer pour demain. Alors, là aussi, il faut que les autorités burundaises et congolaises s'assoient ensemble pour trouver solution à ce problème. Quand même, nous avons un accord commercial. Et il y a également des comités mixtes transfrontaliers, que ce soit pour le côté Burundi et le côté RDC. Quand il y a justement ces perturbations, surtout causées par, je dirais, les agents aux frontières, il faut toujours ce comité s'asseoir ensemble pour trouver solution, pour discuter ces questions et savoir peut-être quelle est la cause de cette perturbation, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement retrouver ou bien renormaliser les relations commerciales. C'est dans ce cadre qu'il faut, même les collègues ici sur le plateau, c'est pourquoi je veux qu'on puisse tranquilliser la population, sachant qu'il n'y a pas de problème entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Ce sont ces questions exogènes, des facteurs exogènes justement, qui, comme il y a l'insécurité, le Burundi justement doit se préparer pour pouvoir sécuriser la population, mais aussi que la guerre ne puisse pas aussi affecter le Burundi d'une façon ou d'une autre. Vous savez même que le rôle du Burundi dans la sécurisation de cette partie est très important. C'est même parmi les propositions qui ont été soumises aux Nations Unies pour que le Burundi, justement, propose des voies de solution pour la sécurité, la sécurisation de cette partie. Et je pense que tout le monde est au courant de ça et vous voyez que le rôle est important du Burundi. Alors, en ce qui concerne justement les banques, la fermeture des banques, ça aussi, ce sont les effets. Ce sont les effets de la guerre. Mais vous savez qu'il y avait d'autres initiatives, notamment la digitalisation des transactions électroniques, bien la transaction justement au niveau des échanges commerciaux. On avait commencé ces initiatives pour permettre justement aux commerçants burundais de pouvoir échanger avec les commerçants congolais, sans toutefois déposer des billets dans la banque, mais échanger à travers les mécanismes qui existent, notamment le cocash, le rimicash, mais aussi de l'autre côté. Ce sont des mécanismes qui avaient commencé. Mais justement, comme il y avait d'autres populations qui pouvaient déposer l'argent au niveau de la banque, nous comprenons justement qu'il peut y avoir ces perturbations. Mais nous espérons que ce n'est pas une situation qui va vraiment perdurer beaucoup. Parce que la partie qui est affectée aujourd'hui, ça ne porte pas de conséquences seulement pour le Burundi. Mais il faut savoir que même la région, même en dehors, vous voyez qu'il y a des pays qui sont plus loin même du continent africain, mais qui investissent beaucoup pour la sécurisation de cette partie. C'est parce qu'il y a des intérêts, mais aussi il y a des produits qui provenaient de cette région qui pouvaient aussi se trouver sur les marchés. Oui. Oui, merci beaucoup. Le Congo, via son commerce transfrontalier, constituait jusque récemment une source significative de devises indispensables pour que le Burundi puisse importer. Le domaine des importations ne risque-t-il pas lui-même d'être frappé par cet état des choses, Diomède? Oui, tu posais la question à porte-parole du ministère du Commerce sur la fermeture des banques. Des banques, juste. À Goma et autres, à Bukavu. À Bukavu, il faut comprendre que quand il y a une guerre, la banque ne peut pas fonctionner. Quand il y a l'absence de la population dans la localité, la banque ne peut pas fonctionner. Quand il y a perte du pouvoir de la population, même si la population pouvait exister et qu'il y a perte du pouvoir, la banque ne va pas fonctionner. Les banques peuvent fermer à n'importe quel moment. Voilà, il y a déjà fermé parce qu'il y a une insécurité. Je suis très content qu'effectivement le porte-parole se clarifie qu'on n'est pas en guerre avec le Congo. Ça s'est connu. Voilà. Il n'y a pas un conflit avec le Congo. Par ailleurs, nous avons de bonnes relations d'après les autorités politiques. Et c'est ce qu'on constate. Il y a de bonnes relations. Cependant, des effets de la guerre interne des Congolais affectent les Burundais. Parce que maintenant, nous accueillons un nombre important de réfugiés qui sont nourris, logés, et voilà, et soignés, même s'ils défendent du budget du Burundi. Parce que non seulement on les accueille, mais aussi on les installe. Alors, par rapport à la question alors des devises, maintenant, le pays se retrouve dans une situation où il y a l'absence des devises. Depuis un bon moment, ça date d'ailleurs depuis 2015, si vous voulez, depuis que le Burundi a été sous embargo international, où il y avait la rupture de la coopération. Et depuis ce moment, la situation a toujours été détériorée, et surtout en matière de devises. Ceci se traduit par le manque des produits de première nécessité, le carburant. Le Congo, même si officiellement on ne connaît pas effectivement combien de devises on perçoit au niveau du Congo, mais quand même les Congolais provisionnent le marché des banques, que ce soit dans l'informel ou le formel. Maintenant, qu'effectivement, même officiellement, nous avions vu que le Burundi percevait plus de 121 milliards. Maintenant, il y a lieu de voir que d'ici peu de jours, effectivement, les devises vont toujours manquer. Ça, c'est une conséquence directe. D'ici combien de temps, effectivement, même si la Berbé dit que c'est 3 000 en dollars, et que si le marché noir, c'est 7 000 et plus, d'ici, ça ne va pas tarder de voir que ça va être 8 000. Parce que les Congolais qui amènent des devises, ou qui amènent des devises, sont en train de consommer ces devises. C'est en train de manger certains qui avaient des moyens, qui ont loué des maisons. Et les conséquences, regardez même les infrastructures, regardez même le loyer des maisons. Mais non, la conséquence est directe. Une maison qui coûtait 400 000 pour la location, aujourd'hui c'est à 800 000. Donc, si on analyse tout ça, toutes ces conditions, et là alors, le grand danger, un commerçant congolais qui se déplace, ou bien un paysan congolais qui se déplace, est ici. Il n'est pas en train de produire, il est en train de consommer. Alors, s'il y a la consommation et qu'il n'y a pas une production, parce qu'effectivement, les Burundais ne vont pas toujours produire à perte. Les industries vont fermer d'une manière ou d'une autre. On parle déjà du chômage. La population a déjà raconté qu'ils sont affectés par le chômage. Il suffit d'aller sur le marché de Sioni et pour le transport. Maintenant, on ne voit pas des chauffeurs, les autres qui sont voilà, nourris et qui entretiennent le transport sont là et sans avoir du travail. Donc, les conséquences sont énormes. Les devises seront rares, surtout, c'était déjà rare. Et je crois que l'autorité politique administrative devrait prendre des mesures, effectivement, pour trouver d'autres voies alternatives. J'ai compris le porte-parole qui nous raconte qu'il y a d'autres voies intermédiaires, qu'il faut passer par d'autres, qu'on a connu d'autres partenariats, qu'on a un grand marché, mais ça c'est à long terme. C'est à long terme. Pour le moment, la population a besoin d'être encadrée pour dire voilà, si la partie RDC Congo, Bukavu, Goma est affectée par la guerre, il y a moyen de passer par ce corridor. Et il faut que l'État aussi s'engage. Dans l'État du Burundi, l'État du Congo s'engage à négocier pour effectivement trouver un espace net où la population peut être sécurisée en attendant effectivement l'aboutissement des négociations. Parce que le conflit est déjà là et il ne va pas s'arrêter demain, ça va prendre un peu de temps, mais au moins que l'autorité politique s'engage d'ores et déjà, tout en comprenant que d'abord c'est pour l'intérêt de l'État qui va perdre sa 21 milliards. Mais aussi de cette population en débandade. Sinon, comme Pascal le disait, la contrebande va être formée et l'État ne va plus percevoir son montant. Et même la rébellion qui est ici à côté va finalement développer d'autres mécanismes informels et saper les initiatives du pouvoir congolais et même du Burundi, notamment en fragilisant la sécurité. Onesime Niukuri, porte-parole du ministère du Commerce. Quelles sont les alternatives pour sortir au moins de cette impasse? Oui, avant les solutions, les voies de solutions alternatives, permettez-moi justement de dire quelque chose par rapport au manque de devises et à la réduction des importations. Bon, à ce qui concerne les importations, nous avons toujours dit qu'il faut produire plus pour justement contrecarrer ce défi qui est lié à l'importation. Mais quand même, vous savez, des initiatives et des projets gigantesques en matière de l'agriculture sera au Burundi. Justement, c'est pourquoi ces derniers temps, vous voyez que quand même la production a augmenté. Mais il faut savoir seulement que ce n'est pas seulement la guerre qui peut affecter. Il peut y avoir d'autres fléaux. Il peut y avoir des changements climatiques qui peuvent affecter. Mais aujourd'hui, comme nous parlons justement de l'insécurité, et il faut savoir que ce sont des effets qui peuvent exister. Et quand on dit que on va perdre 121 milliards, est-ce que les institutions ne fonctionnent pas? Est-ce que les activités au niveau interne ne continuent pas? C'est-à-dire que ces effets, nous connaissons qu'il y a ces effets. C'est pourquoi des initiatives ont été entreprises au niveau des frontières pour permettre à la population de vaquer à leurs activités. Mais sinon, tous les mécanismes de collecte des revenus continuent de fonctionner. Des voies de solution, je vous ai dit qu'il y avait déjà un projet régional de facilitation du commerce et intégration dans la région de Grand Lac. Et parmi même les piliers de ce projet, il y a la consolidation de la paix au niveau de la région de Grand Lac. Il y a aussi des accords qui ont été signés par le Burundi. J'ai évoqué l'accord au niveau continental. J'ai également évoqué que les échanges continuent avec les pays membres du COMESA. J'ai aussi évoqué qu'au niveau de la communauté est-africaine, des échanges continuent. Mais aussi, c'est au niveau de l'encadrement de la population, sur tous les commerçants, pour qu'ils sachent qu'il faut toujours prévoir des solutions alternatives. Il ne faut jamais croiser les bras parce qu'il y a peut-être une perturbation quelque part. Ce qu'il faut justement, c'est quand on a constaté qu'il y a un défi, est-ce qu'on peut transformer ce défi en opportunité? Est-ce que vous pensez que même s'il y a la guerre à la RDC, il y a la population là-bas qui continue à vouloir acheter les produits burundais? Et il y a aussi d'autres échanges qui sont effectués. Ce sont ces voies qu'il faut emprunter et que le commerçant puisse comprendre. Et la population même continue, ne va pas vraiment croiser les bras en pensant que tout est aux arrêts. Non, la vie continue. Il faut plutôt produire plus. Il faut que la population vaque à les activités, que les commerçants aussi empruntent les voies disponibles pour le moment, s'ils peuvent continuer à échanger avec la RDC en passant par d'autres frontières. Et il y a des commerçants qui continuent aussi à exporter les produits burundais en dehors même de la communauté, en Europe, en Asie. Et il faut que ces commerçants puissent aussi prendre ces produits. Mais ce qui est important, comme les autres l'ont dit, c'est que toutes les parties concernées par cette région puissent continuer à vraiment discuter de façon effective pour que la sécurité règne. Diomède Denis Ndéretse, le porte-parole du ministère, dit que pendant la guerre, la vie continue. Qu'est-ce qui doit être fait pour arrêter cette guerre? Je crois que Pascal pouvait bien répondre à cette question. Mais qu'est-ce qui doit se faire? Et au moment, en fait, il y a lieu de dire quels sont les belligérants. Je crois que ce M23 est le gouvernement congolais. Ils ont un conflit historique. Voilà, là, je ne vais pas trop développer des Congolais qui se disent exclus. Et d'autres qui pensent que, voilà, ils ne sont pas exclus, c'est des pantés. Le président congolais, Tshisekedi, disait qu'ils sont des pantés. Alors, qui estime bien que c'est le Rwandais. Et le Rwanda qui pilote toute cette guerre. Ce qui n'est pas vérifié parce que cette dernière réfute toujours qu'il n'est pas derrière, que lui est là pour sécuriser la frontière. Il faut arrêter cette guerre et aussi il faut qu'effectivement il y ait des négociations sincères et honnêtes et bâtir cette paix. Le professeur disait que depuis un bon moment, on n'a jamais connu un répit. C'est ça le vrai problème. Il faut que l'autorité politique actuelle, même future, puisse comprendre que chaque fois qu'il y a une exclusion, quelle que soit sa nature, débouchera toujours sur une guerre. Il faut que l'autorité actuelle, future, comprenne qu'il doit gouverner pour tout le monde. Alors, je pense que maintenant, on a la chance que la région a pris la question en main. La communauté internationale est entrée effectivement de vouloir rapprocher les protagonistes. Je pense que d'ici peu de jours, effectivement, il y aura une négociation et bâtir cette paix. Mais en attendant, ce que nous demandons à l'autorité politique burundaise, c'est de pouvoir continuer l'encadrement de la population burundaise. pour ce commerce-là, qui rapportait pour l'État 121 milliards. Pour cette population qui vivait à cause de ce commerce. Et de ne pas aller les proposer, de ne pas dire, aller trouver des alternatives. C'est à l'État de pouvoir guider cette population à désespérer. Et là, s'il y a des voies, s'il y a ces accords, il faut que la population soit bien informée et qu'effectivement, au lieu d'apporter ça à 20 milliards, on puisse nous dire, malgré la crise du Congo, au mois de novembre 2025, il faut que le porte-parole vienne nous dire, nous avons réalisé 400 milliards parce que nous avons emprunté d'autres voies à partir de ces accords. C'est ça le message que nous voulons entendre. Mais qu'on ne se dit pas que la population va se débrouiller, que quand il y a la guerre, tout n'est pas perdu. Quand il y a la guerre, beaucoup de choses sont perdues. Et il appartient à l'autorité politique de pouvoir amener des solutions alternatives. Et que la population puisse suivre pour payer les impôts et taxes. C'est ça le rôle de la population. La sécurité, c'est une affaire de l'État. La coopération internationale, c'est une affaire de l'État. Donc, pour moi, je pense que l'État est en train, effectivement, de mettre en place toutes les mesures pour, effectivement, augmenter le revenu à travers ces impôts et taxes. Sinon, avec la situation actuelle, ça c'est là où je voulais dire, avec le manque de devises que nous avons, et que ça, si cette situation dégénère, effectivement, on ne sera pas capable d'acheter le minimum. Merci beaucoup, Pascal Nunez-Guillet. Pour que les choses marchent mieux, le commerce transfrontalier, y compris, il faut arrêter la guerre en RDC. Oui, je dirais que c'est même le préalable. Il faut arrêter la guerre. Le commerce, c'est bon quand on est en vie. Mais vous imaginez la guerre, si elle n'est pas arrêtée, c'est pour décimer des populations. Déjà, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'errer, Dieu m'aide à parler, des Congolais qui ont traversé la frontière avec notre pays, qui se trouvent à Rutana, d'autres qui se trouvent à Cibitoke et ailleurs. Donc, il faut arrêter cette hémorragie. Et il faudrait que le Congo, je veux dire surtout le Kivu, retrouve la paix. Donc le Congo, qui est presque comme un demi-continent, a des problèmes d'ordre sociopolitique qui affectent beaucoup de communautés. Et je crois que, comme le soulignait Diomède, il faut qu'on trouve une solution à ce problème entre le M23 et le pouvoir congolais. Tout comme il faut stabiliser les relations entre les différentes communautés au Congo. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de rébellions à côté du M23, jusque dans le Katanga, Katakatanga et autres. Donc c'est un problème qui est vraiment sérieux. Et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème de cohabitation entre les différentes communautés, eh bien on aura toujours des surprises et qui ne sont pas du tout bonnes. Voilà, c'est sur ces appels que se referme ce débat. Vous préparez par la radio-télévision Isanganiro en collaboration avec la bénévolentia Grand Lac. Ce débat a vu la participation d'Onésime Nikouli, porte-parole du ministère du Commerce. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Sûrement, je voudrais justement, encore une fois, tranquilliser la population et les commerçants en général, l'autorité est à l'œuvre pour justement permettre à la vie de continuer, surtout au niveau du commerce transfrontalier, à travers les projets que j'ai déjà évoqués, mais aussi à travers des initiatives, à travers l'accord commercial entre le Burundi et la République démocratique du Congo, et justement qui n'a aucun problème jusqu'à maintenant. Ce que nous observons aujourd'hui, ce sont des faits des effets exogènes que quand même le gouvernement a déjà entrepris des initiatives pour juguler ces problèmes. Je voudrais aussi remercier les collègues ici sur le plateau, justement d'avoir échangé les idées. J'ai beaucoup appris, mais aussi il y a des propositions qui ont été faites que nous allons justement transmettre à l'autorité pour pouvoir justement aussi considérer parmi d'autres solutions qui sont en train d'être trouvées pour permettre aux commerçants de continuer avec les activités. Mais aussi, je remercie beaucoup les auditeurs qui nous suivent sur la radio Isanganiro. Oui, Diomède de l'Interetse, économiste, merci à vous aussi d'être venu dans Mosaïque. Merci pour l'invitation, Evariste. Et voilà, je remercie aussi nos amis ici, voilà, les auditeurs. Et les téléspectateurs. Je suis très ravi qu'effectivement l'autorité politique, à travers le porte-parole, rassure les commerçants. Qu'ils sont toujours, qu'il est toujours là pour les accompagner et qu'ils vont avoir un répit économique. Mmh. Merci. Nous étions aussi avec le politologue Pascal Nyonidi Guillet, professeur de l'Université du Burundi en relations internationales. Merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Oui, je vous remercie, Évariste. Je remercie aussi à la radio-télévision Isanganiro pour avoir songé à organiser cette émission. Merci beaucoup à la cabine du son. J'étais avec François Kimana et Jérôme Naishimiye. Médard Nyonguru était à la réalisation, à l'animation. Vous étiez avec Evariste Nzikubanyanga. Je dis aussi merci aux auditeurs qui nous ont suivis. Bonne suite de nos programmes. Mosaïque. La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia. Mosaïque.